yamba ni lisapu ya bana kumputue oyo na lulaki na esambango Exemple, beaucoup n'a pas beaucoup, voilà comme à l'école.